Vous écoutez CKRL 89.1. Québec. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, un spécial maladie. Je suis complètement détruit, autant d'énergie qu'un zombie. Puis, en plus, en partant de chez nous, je suis parti trop vite, donc j'ai laissé ma playlist chez nous. Donc, j'ai absolument aucune idée de ce que je suis en train de vous présenter pour ce soir. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous mettre de la musique, je vous fous la paix. On va écouter la musique ensemble pour la prochaine heure. Donc, c'est ça, vous aurez juste à visiter le blog de l'émission qui est au www.webmusique.ca. La playlist va éventuellement être postée sur le site, donc vous pourrez aller consulter pour savoir qu'est-ce qui a joué. Et vous allez pouvoir, comme à l'habitude, télécharger toutes les pièces de façon gratuite et légale. Donc, c'est ça, on va partir ça tout de suite. On va faire la petite pause la demi-heure, puis je vous reviens tout de suite après. Acoustics. Thank you. go beep. This is serious music we are dealing with here. With serious music. Understand the concept of love. Yeah. Sweat. You ready? Yes. It means so much to me. means so much to me.

goodbye.

Thank you. Et oui, c'est déjà la fin de Web Musique, donc je vous invite à rester à l'écoute. C'est la Croche-Oreille avec Jean-Pierre Gay et son équipe, donc émission spécialisée en art audio. Je vous invite à rester à l'antenne de CKRL pour la suite. On a encore plein de bonne musique pour vous ce soir. Donc c'est ça, on va se quitter sur une dernière pièce, puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour notre émission de Web Musique.